Incontrôlable et le Dark et son armée, tous parés à sacrifier leur vie, tous carrés. Chef des troupes, c'est la nuit qu'avec mes hommes on se regroupe. Je veux que des tueurs brefs et précis, pas de mecs qui pensent trop intensif. Pour faire de vous des soldats agressifs dans les remparts de mon nid passif. 3 heures de sommeil et après la pratique du flow, on passe à l'écrit dès le réveil. Je veux que tous mes gars se dépassent, soient des surhommes, que chacun soit à l'affût et appuie son binôme. Et une fois sur le champ de guerre, je veux voir le bleu cerise couler sur le visage de vos adversaires. Donnez-moi un champ de guerre. Oh, oh, oh. Qui suis-je sur terre? Un homme qui est prêt à mourir, un homme qu'on appelle volontaire, qui sait servir et sait mourir. Qu'importe cette vie pour vous qu'elle serve à mes idées, que m'importe tous ces MC que je n'ai jamais pu aimer. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Tous marchons pas, avance droit, prêt à battre leur poids de sang froid. C'est aujourd'hui qu'on va tuer. Sur le terrain on va bien s'amuser. Prêt pour attirer des bites et des compresseurs. T'écrases avec mon tank, le Dark part comme un rouleau compresseur. Dérangisse les ennemis, enterre les personnes non croyantes vivantes. Ils torturent les oreilles dans les membranes vivantes. Une armée de zombies macabres, horrible massacre. J'ai des macabres, ils reculent ensemble comme des macaques. Des membres les corps, ils soulèvent les tentacles du hardcore. Les soldats sont sur le ring, on pose nos grenades dans leur string. Chargé prêt à faire peur, on sent la douleur qu'on émane. Fichons nos prisonniers à la roulette russe, pratique une sévice du Vietnam. Observe, canard 7, pas d'obsèque, nique plein offset. Os, mutilés, pas de pompette, tous nourris à l'eau et au pétex. Stratégie amorcée, créatrice sous les mortiers. La guerre est annoncée, mental armé comme nos canonciers. Kamikaze écorché, espion égorgé. L'addition est corsée, pas prêt de raccrocher. Le cœur bien accroché, en mission derrière les rochers. Si on vit de Paris, on les termine par décrocher. On pointe ton arme infrarouge, les lâches en font des taches violettes. Même si mon feu de serre, j'arrive à leur m'enfile comme des mauviettes. Mon équipe brosée comme des viettes. C'est du trash, on clash, t'arrache sa tête comme une canache de soviète. La horde est de sortie, tire même dans le dos. On fait pas de fleurs ici, surtout quand on a appris à vivre dans les sorties. On se défense, Dark Bataillon. Si l'ennemi vers nous s'élance, marchons, marchons, poussés par la démence. Mort aux ennemis sans faire preuve de clémence. On se défense, Dark Bataillon, jaloux de notre indépendance. Si l'ennemi vers nous s'élance, marchons, marchons, poussés par la démence. Mort aux ennemis sans faire preuve de clémence. Ah, pour l'honneur de ton étendard, malgré l'horreur, tu gardes l'espoir. Soldat, sois fier de servir aux 13. Mes soldats opèrent dans les flammes et les braises. Le diable rit avec nous, alors mettez-moi tous vos ennemis à genoux. Sans peine, comme ça dans nos scènes, sans thème. On arrive par centaines et sans gêne. Investis les studios, les scènes, les radios et les chaînes. Arrive à coups de bla bla, j'ai ta ratata et qu'enseigne. L'auditeur, on t'enseigne les rudiments du Dark et son règne. La stratégie est simple, au front, t'enchaînes. Le crew des kamikazes en première ligne. Des gars qui sont au clash et te détruisent. Suivi des violents, attaquent avec des grosses voix. Et le poids de leurs mots est souvent mortel. Ensuite les tireurs d'élite, tu radiques avec des faces venues de loin. Tu paniques, tu crains la technique. Pour toi c'est la fin, où tu rejoins la clique. C'est formel, où tu signes, où tu saignes. Si tu signes, pratique bien comme un fanatique. Plein de signes et sans modèle. Bruit de poids, bruit des armes, sentinelles jour et nuit. Tu sens des cris, des larmes et la mort pour ceux qui fuient. Avance avec ma horde, inondé dans les tranchées avec ton sang qui déborde. Ça se ravitaille le corps plié à terre, pendant que nos avions pompent les coins stratégiques de l'adversaire. Fais exploser les escadrons, leurs casernes militaires. Ouvrons la deuxième ligne, prend les devants et assure nos arrières. On les étreint de derrière et leur mitraille même le derrière. C'est entre quatre planches qu'ils termineront leur carrière. Nos esclaves ne sont plus en mission, qu'une permission leur accorde. La seule médaille qu'ils auront autour du cou sera une corde. L'armée du Dark s'empare du territoire pour faire régner l'or. On vendra jamais notre fierté, se rendra jamais pour de l'or. Balance l'assaut, ma tête guérilla sans fin. Qu'on détruise leur armada démoniaque qui se clapait. Règne en fin, prends notre courage à demain, avance même dans les flammes. Nos ennemis regardent une dernière fois la photo de leur pétasse de femme. Attaquons par surprise, ne leur laissons aucun délai. Soldats à vos marques, prêts, feu, crevez-les. Franchissons les barrières qui nous délimitent. On perd pas de vue nos cibles, comme des tireurs d'élite. Que même leur groupe déserte sort le drapeau blanc. Fais pas semblant, c'est pas dans un crâne troué que tu trouveras des panablins. On jette les sacs et porte sur notre dos notre PC à l'agonie. Et finit notre travail avant la tombée de la nuit. On se défonce, Dark